Je suppose de faire quelque chose. J'étais supposé faire quelque chose. Bonjour. Bon, vous allez bien? Oui, pour le moment. Donc, on est dans Marc chapitre 8, versets 1 à 10. Et donc moi, j'ai eu le temps de le lire. On en a discuté un petit peu très brièvement vendredi matin parce qu'on avait d'autres choses sur l'agenda. Hier, je suis retourné voir Christian après avoir préparé les ingrédients. Puis bon, comme à l'habitude, on se parle. Puis qu'on est arrivé à quelque chose de concluant. Et donc aujourd'hui, je vais servir ce qu'on a préparé. Ça me fait penser, cette semaine, moi et Nathalie, on est allé suivre un cours. Cuisine italienne. Bon, quand on va suivre le cours de cuisine italienne, on n'a pas vraiment d'idée de qu'est-ce qu'ils vont nous montrer. Fait que là, on a fait trois genres de pâtes. Fait que c'est très intéressant, de différentes manières, ta-ta-ta. Fait que là, on fait nos trois repas, puis ça a l'air bien bon, mais je sais pas si vous savez, même préparer la madame en avant, elle explique ses affaires. Elle sait de quoi elle parle. Puis là, elle nous l'explique à très haute vitesse. Puis là, allez vous amuser. Puis là, on s'amuse, puis là, en s'amusant, on s'aperçoit que bon, c'est un petit peu à côté de la recette ici, là, mais c'est trop tard, je ne peux pas récupérer la farine ou je ne peux pas récupérer l'œuf ou je sais pas quoi. Fait que on se débrouille avec ce qu'on a fait. Et puis là, on s'en vient à la maison parce qu'on ne l'a pas goûté, on ne l'a pas fait cuire. T'sais, on a juste préparé. Fait que on s'en revient à la maison. Non, sauf le focaccia. Il y avait focaccia et deux sortes de pâtes. Bref, on revient à la maison. Puis là, moi, ça, c'était mardi soir. Mercredi, ben, je suis parti de bonne heure. J'étais à la Trois-Rivières deux jours. Fait que pendant que je suis parti, la famille, il y a Nathalie, Philippe, ils ont été exposés au repas qu'on a préparé, nous. Bon, fait que là, je vais attendre les nouvelles. Bon, je suis revenu. Il n'y a personne de mort. Puis apparemment, c'était vraiment excellent. Bon. Donc, là, c'était excellent. Fait que hier qu'on a fait d'autres pâtes. Alors là, c'est intéressant parce que Jerry était là. En fait, Jerry est venu voir Philippe. Fait que là, on faisait des pâtes avec ma machine. L'autre, on les a faites manuelles. Là, on les fait avec la machine. Je m'en vais quelque part avec ça, là. On les fait avec la machine, mais là, Philippe est à côté de la machine. Jerry est en face. Plein de questions. Puis bon, en tout cas, peut-être qu'il cherchait un excuse. Jerry n'a pas travaillé, là. Mais il était en face, puis il voulait voir comment ça marchait. Parce que là, sa mère, elle ne fait pas ses pâtes comme ça, elle fait d'autres choses, elle fait ça manuel. Mais là, il regardait. Fait que c'est intéressant, parce qu'on a fait des pâtes pour souper, puis c'était bon. Hein? Puis il en reste même, on a fait de trop. Fait que ici, c'est un peu la même chose avec la parole de Dieu. On peut bien préparer un enseignement, puis quand on le donne, vous le recevez. Bon, moi, je sais ce que j'ai fait. Vous, ce que vous allez faire avec, par expérience, je sais que des fois, je dis des choses, puis après, on vient me dire que j'ai dit autre chose que qu'est-ce que je voulais dire. Fait que là, ça va être la même affaire ici, vous allez le recevoir. Mais si vous faites juste me regarder le faire, ou vous faites juste écouter, puis vous faites rien avec, bien, c'est perdu. Parce que là, la prochaine fois, Philippe, puis si Jerry est là, ils vont les faire, les pâtes, puis là, on va les regarder le faire. Puis on va voir, ça va être bon, là, tu sais. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas vraiment te tromper, tu sais. Il faut vraiment te faire exprès, tu sais. Okay. Ici, c'est la même chose. Si on prépare le repas, puis je vous le donne, c'est pas pour que vous soyez là et dire « Ah, ouais, c'est intéressant. » C'est parce que vous aussi, vous devez apprendre à le dire aux autres. Fait qu'il faut comprendre les Écritures pour être capable de les comprendre pour nous-mêmes. Il faut être capable de les défendre puis de les expliquer. Fait que c'est intéressant que moi, je parle ici, là, mais pour ceux qui prennent des notes, c'est déjà mieux. OK? Écoutez, essayez de comprendre. Prends des notes. Mais la seule façon que ça va vraiment rentrer, là, c'est quand vous allez vouloir l'expliquer à quelqu'un d'autre. C'est bon? Fait que, donc, je vous encourage à écouter puis à prendre des notes. Voilà. Donc, on est dans Marc, au chapitre 8, versets 1 à 10. Puis avant d'aller plus loin, si la petite machine marche. Ah bon. Lisons. Moi, je suis dans la Louis II, hein, comme d'habitude. Marc, chapitre 8, verset 1. Je vais lire, c'est marqué, c'est ça. Christian m'avait donné 1 à 9, mais il faut que j'aille à 10. Okay? En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » 7, répondirent-ils. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4 000 personnes. Ensuite, Jésus les renvoya. Verset 10. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Si vous lisez dans Matthieu, il va dire dans Magdala. Okay. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous est donné. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Alors, pourquoi les petites flèches ne marchent pas? Pas grave. Ce qu'on va regarder là-dedans, il y a 3 points qui nous montrent que la grâce de Dieu appelle tous les hommes au salut en Jésus-Christ. Tous les hommes. Alors, je commençais par, avant de rentrer dans le détail, le contexte. Le contexte, c'est que, à partir de Marc, chapitre 7, verset 24, Jésus sort du territoire des Juifs pour entrer dans le territoire des païens. Et au verset 10, pour ça que je l'ai lu, 8-10, il sort du territoire des gentils, des non-juifs, pour revenir dans le territoire des Juifs. D'accord? Alors, si vous regardez sur la carte, vous voyez ça, cette belle carte-là? Hein? Juste montrer le voyage. Bon, qu'est-ce que vous êtes tenté de regarder en premier, le texte ou la carte? Vous allez lire, hein? Ouais. Non, la carte. OK. Sur la carte, je ne sais pas si la souris va marcher. Bon. Suivez la ligne orange. Là, vous partez de la mer de Galilée. Puis, Jésus va monter vers Tyr. OK? Et là, il vient de dire aux Juifs, en passant, que les Juifs le rejettent, OK? Ils veulent rien savoir de ce qu'il fait, puis ils cherchent à le faire mourir. Et là, il va leur dire clairement qu'il n'y a pas de salut pour eux. C'est eux qui rejettent le salut. Et là, il part, puis il monte à Tyr, sur le bord de la mer. Et là, il va rencontrer la femme syrophénicienne, et il va chasser le démon. On a déjà fait ça. OK? Ensuite, il va quitter le territoire de Tyr, puis il va revenir... Là, si vous suivez la ligne verte et la ligne mauve, OK? Il va monter vers Sidon et vraiment en territoire. Sidon, là, c'est là qu'il y a le temple à Baal, le temple principal, puis un autre dieu que j'ai oublié, là, c'est vraiment dans cette région-là. Fait qu'il va monter à Sidon, puis après, il redescend vers la mer de Galilée, mais il fait un détour. Là, pourquoi est-ce que la ligne mauve est vraiment ça qui est fait exactement? Ça, je n'étais pas là, je ne peux pas vous le dire. Mais quand on regarde le territoire, vous voyez que ça allonge les chaînes de montagne, puis ça descend tranquillement vers la mer de Galilée. OK, alors, il va arriver à une place qui n'est pas loin de Bethsaïda, et c'est là qu'on est dans notre histoire. Ça s'appelle le Gergesa, là, ce coin-là, dans ce coin-là. C'est là qu'il est, OK? C'est là qu'il est quand il fait le miracle, la multiplication des pains. Ça, c'est le texte dans lequel on est. Et juste avant, quand il va faire le voyage, en route, il va guérir un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et ce qui est intéressant, là, contrairement aux Juifs, vous lisez au verset 37, « Ils étaient dans le plus grand étonnement et ils disaient, « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Ça, c'est ce qui vient de se passer avant qu'on arrive là où on est. Alors, quand on arrive là où on est, à l'endroit où il va faire la multiplication des pains, sa réputation le précède même chez les gentils. Est-ce que ça va? Puis il y a des foules qui le suivent. OK. Et là, on a la multiplication. On a la deuxième multiplication. Il y a la première multiplication. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Marc 6. Parce que beaucoup de gens, là, Il y a des gens qui vont vous dire, ben il y a plein d'erreurs dans la Bible, par exemple, il va parler à une place, il parle de la multiplication des pains, puis il dit quelque chose, puis à l'autre place, ils disent d'autres choses. Ils s'en fâchent dans les détails parce qu'ils ne voient pas la grande image. Mais dans la première multiplication, dans Marc 6, au verset 34 à 44, on est près de Capernaum, de l'autre bord, dans le territoire des Juifs, proche de la maison. Et là, autour de où est-ce qu'il est, je vais remonter juste pour vous regarder la carte, là. On est en bas, là, autour de Capernaum. Puis même si quand il dit qu'il va dans un lieu désert, il y a quand même des villages, des choses comme ça. OK, ça va? Alors, il y a 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Et ce qu'il nous a dit, c'est que les disciples voient que Jésus est ému de compassion. Parce qu'ils voient les brebis, ils sont comme des brebis sans berger. Ce qui vient chercher Jésus, c'est quand il regarde les Juifs, son peuple choisi, je parle de la langue de Dieu, qui regarde son peuple, qui est complètement perdu, est ému de compassion parce que c'est son peuple. Jésus, il demande, les disciples, ils suggèrent à Jésus, parce que là, tout le monde est fatigué, là. En passant, ça se passe dans une journée, la première multiplication. Ils sont là, la foule est là, ils viennent d'arriver, puis Jésus va faire la multiplication des pains. Mais là, Jésus, demande, les disciples, ils disent, hey, écoute, il faudrait renvoyer la foule parce qu'il est tard, là, puis il faudrait qu'il rentre à la maison. Là, Jésus, il dit, ben nourrissez-les vous-même. Et là, les disciples disent, ouais, mais comment on va faire? Et on n'a pas d'argent, je ne sais pas comment on va faire ça, tu sais, blablabla. Jésus, il dit, demande combien ils ont de pain. Et là, il dit, allez voir combien ils ont de pain. Ben, c'est important, les détails de la première multiplication des pains versus la deuxième. Premièrement, on n'est pas à la même place. La première, il parle aux Juifs, la deuxième, il parle aux gentils. La première, les disciples, c'est leur première expérience. Ils n'ont jamais vu ça. Alors, Jésus leur dit, ben, nourrissez-les vous-même, comment on va faire? Ben, est-ce que vous avez des pains? Ils disent, allez voir. Fait que là, il faut qu'ils partent. Puis ils reviennent. Puis là, ils disent, on a 5 pains et 2 poissons. OK. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Puis il distribue le pain. Imaginez-vous, là, à profusion. Ça ne l'arrête pas, là. C'est comme tu mets ta main, là, puis servez-vous. Il n'en manque pas. Tu sais, si tu mets le panier, servez-vous, il n'en manque pas. Et après la distribution, il reste 12 paniers. Le mot panier ici, là, je l'ai mis en bas de vous le voyez, là, le mot original, c'est spourissé, quelque chose de même, là, ça. Okay? Mais ça fait référence à un petit panier qui contient genre un repas pour 2 personnes. Tu sais, les paniers de pique-nique là, qu'on avait en osier, là, on part avec ça, là, puis on a un lunch pour 2 là-dedans, là. Bon, ben ça ressemble à ça, OK? Et après la distribution, tout le monde est rassasié. Puis il reste 12 paniers. Fait que là, moi, j'ai toujours pensé, les paniers, c'est une corbeille, là, une grosse affaire. Non, non, c'est 12 boîtes à lunch. Combien de disciples? 12. 12 boîtes à lunch, OK? Quand on va à celui qu'on vient de lire, nous, la deuxième multiplication, là, on est près de Bethsaïda, du côté des gentils. Il n'y a rien, là, il n'y a absolument rien. Il n'y en a pas de village. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Oui, Philippe. C'est quoi les gentils? Les païens, les non-juifs. OK, ça va? Les gens, la question, c'est quoi les gentils? Les gentils, c'est le fun qu'ils disent les gentils parce que les juifs ne les aiment pas. Mais bon. Mais les gentils, c'est les païens, c'est les non-juifs. En fait, nous sommes des gentils. OK? C'est la notion de non-juif. D'accord. Merci, Philippe. Et là, il y a 4000 hommes. Plus les femmes et les enfants. C'est pas la même foule, c'est une autre foule. Et là, c'est Jésus qui lui-même dit « Je suis ému de compassion pour cette foule ». C'est pas quelqu'un qui nous rapporte, qui regarde Jésus, qui a l'air ému. Non, non, c'est Jésus qui le dit. Puis il dit, mais la raison pour laquelle il est ému, c'est que ça fait 3 jours qu'ils sont là. Ils sont vraiment zélés, eux. Ils sont vraiment zélés, là. Ils restent là, puis ils se plaignent pas. Mais là, il faut les renvoyer, parce que tout de suite après, ils vont partir. Hein? Vous avez vu ça? Tout de suite après, là, ils embarquent dans le bateau. Puis sans moi, il retourne dans le territoire juif. Alors Jésus est ému de compassion. Pourquoi? Parce que ça fait 3 jours, ils n'ont pas mangé, ils sont fatigués. Il ne peut pas les renvoyer parce que certaines des personnes qui sont dans le groupe, lui, il connaît par leur nom, hein, ils ne feront pas le voyage, ils vont mourir en chemin, ils ne seront pas capables de le faire le voyage. Fait ému de compassion pour leurs besoins. Mais pas juste les besoins physiques, là, mais c'est la même personne. Hein? Mais là, ce qu'il vient chercher, c'est vraiment ça. Parce que ils sont zélés. Ça fait 3 jours, ils restent là, ils l'écoutent sans se tanner. De l'autre bord, là, on ne l'aime pas, on ne veut pas entendre ce qu'il dit. Tu viens déranger nos affaires. C'est ce que vous voyez la différence ici? C'est vraiment pas le même miracle. Alors Jésus, il leur demande. Et là, ils disent, bon, ben, si on les renvoie pas, où est-ce qu'on va prendre la nourriture? On a mis nulle part ici. Mais c'est pas dit de la même façon que la première fois. La première fois, c'était, hey, on fait quoi, là? Mais cette fois-ci, là, fort de leur première expérience, qui est, on va dire, ici, 2 chapitres avant, là, mais pour eux autres, c'est, tu sais, le voyage, là, si je retourne à ma carte, OK? Bouge pas. Je retourne à la carte. C'est long, là. Le voyage que Jésus a fait en territoire gentil, chez les non-juifs, tout ce chemin-là qu'ils ont fait, là, on ne parle pas de 2 jours. C'est une longue route qui a pris des semaines, peut-être des mois. Il a fait le voyage et il est de ce côté-là avec ses disciples parce qu'il est éloigné des Juifs qui veulent le faire mourir. C'est paisible, les gentils ne le connaissent pas plus que ça. Ils n'ont rien contre lui. Il ne vient pas chambarder leur univers. Il vient annoncer une bonne nouvelle. Tout le long, il fait des miracles. Ils sont contents de le voir. Ils sont là devant lui. Vous me suivez? Fait qu'il est là, mais là ils sont forts de leur expérience. Jésus leur dit, ils disent à Jésus, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais la question qui est posée, c'est les disciples demandent, comment pourrait-on les rassasier? C'est pas comment on pourrait les nourrir. Comment est-ce qu'on va faire pour amener à manger? Non, non. Qu'est-ce que tu veux faire pour les rassasier? Intéressant, parce que la première fois, quand Jésus leur demande, est-ce que vous avez des pains? C'est clair, non, on ne sait pas. Bon, allez voir. Là, cette fois-ci, Jésus leur demande, « Combien est-ce que vous avez de pain? » 7, répondirent-ils. Pas besoin d'aller voir. Ils connaissent l'expérience. Ils l'ont vu une fois. Ils s'en rappellent. Maintenant, ils ne disent pas, « Jésus, fais ça. » C'est quoi tu veux faire, Jésus, dans la situation actuelle? Fait que là, ben, combien vous avez de pain? On en a 7. On est prêt. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Fait que, en même temps qu'il est en train de former ses disciples, en même temps, il s'adresse à des groupes différents. Les disciples sont en train d'apprendre. L'Évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas juste pour les Juifs, c'est pour toutes les nations de la terre. Après la distribution, il reste 7 corbeilles. Ah, mais ce n'est pas le même mot. 7 corbeilles, ce n'est pas le même mot. Là, c'est kophinos. Ça ressemble à coffin, cercueil. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en fait, c'est plus genre. Je voulais demander à Nathalie, comment ça s'appelle le petit panier où on met un bébé dedans, là? Un Moïse. Non, mais il y a un autre mot, c'est quoi? Ça s'appelle le même? Bon, alors c'est ça. C'est plus une petite boîte à lunch. C'est plus gros que la boîte à lunch. Il y a plus de place dedans, OK? Fait que quand on dit que c'est la même histoire, non, c'est pas la même histoire. Du côté juif, on utilise des paniers, c'est ce que je comprends, c'est plus la norme, mais du côté des gentils, c'est pas ça qu'ils utilisent, ils utilisent d'autres choses. Alors, ils prennent ce qu'ils ont sur place. Fait qu'il y a 7 corbeilles. Mais dans les 2 cas, si vous regardez la première multiplication ou la deuxième, tous furent rassasiés. Qu'est-ce qui a changé? C'est pas à la même place. C'est juste deux endroits différents, c'est 2 foules différentes, c'est 2 foules avec des besoins différents, mais Jésus a la même compassion pour les 2. Est-ce que vous suivez? Marc, au chapitre 8, verset 16 à 20, qui n'est pas mon chapitre. J'ai eu envie d'aller élaborer un petit peu, mais là, je ne vais pas taper ses doigts. Fait que je vais juste dire que, dans ces versets-là, Jésus, il cite les 2 miracles en reprenant ses disciples. Il les reprend. Il cite les 2 miracles. Donc, pour Jésus, il y a 2 miracles, il n'y en a pas juste 1. Puis, il cite 12 paniers puis 7 corbeilles. Il n'a pas utilisé le même mot. Est-ce que vous me suivez? Fait que si quelqu'un veut vous argumenter que ça, c'est des erreurs, non, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. On peut avoir de la difficulté à comprendre, mais il n'y a pas d'erreur. Donc, ce qui est important ici à retenir, là, c'est que Jésus, il a parlé dans la première multiplication aux Juifs, dans la deuxième, aux gentils. Après la mort et la résurrection, il y a des disciples qui vont rester, les apôtres qui vont rester, ils vont s'adresser aux Juifs. Mais Paul, Dieu va le tourner vers les nations, vers les gentils. Alors, c'est le même. Dieu, il forme, puis il est cohérent avec ce qu'il fait. Ça va, tout le monde? Donc, c'est quoi mes trois points qui montrent que la grâce de Dieu appelle tous les hommes au salut en Jésus-Christ? Oups. Le premier, c'est que c'est la divinité de Jésus. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et tout le temps, on est présenté devant le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Deuxième point, c'est que l'Évangile est aussi pour les gentils. Puis le troisième point, c'est que la compassion de Jésus-Christ est pour tous les hommes, sans distinction. Et c'est intéressant parce qu'on voudrait vivre des expériences qui vont nous prouver que Dieu existe et que Jésus, c'est vrai. Puis la seule façon que tu vas vivre l'expérience, c'est de faire comme les disciples, puis c'est de faire comme les foules. Il faut que tu te déplaces pour aller voir. Ça va? Et on aura une conclusion. Donc, si je commence avec la divinité de Jésus, dans Matthieu 14, on a un petit bout d'information qui précède la deuxième multiplication. Le petit bout d'information qu'on a, c'est au verset 29. « Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. » Je ne sais pas si vous vous rappelez la carte, là, quand je vous ai dit on suit la ligne des montagnes. Là. Bon, ben, on est dans une région comme ça. « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. » Voyez-vous la différence avec l'autre bord du lac? Il y a des foules qui disaient assurément, etc., là, mais ici, c'est des gens étrangers à l'histoire d'Israël, ils sont étrangers aux promesses, qui voient, qui sont émerveillés. Et là, ensuite, on continue. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion » et toute la suite, ben, on vient de la faire. Est-ce que vous me suivez? Mais ce qui est important ici, là, c'est que ce qui nous est dit, dans le fond, c'est que Jésus, c'est le Créateur du monde, à l'œuvre, dans le monde. Jésus va prendre... ce qui est facile, là, c'est... tu sais, on dit aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me disait, il n'y a pas longtemps, on fait des tests avec des malades, puis certains, on va les opérer, puis certains, on va faire à semblant qu'on les a opérés. On les a endormis, mais on ne les a pas opérés. Ou on donne des médicaments placebo. Puis on regarde c'est quoi l'effet. Puis il y en a qui, même s'ils n'ont pas été opérés, ou même s'ils ont pris le placebo, ils sont guéris. OK, mais guéris de quoi? Parce qu'ici, là, on parle de... Je vais aller au... Je vais m'habituer, là. Hop, là. Estropié. Estropié, ça veut dire qu'il a perdu un membre. Mais quand Jésus va le guérir, là, il a son membre. Pensez à ça, là. Puis le membre, là, il n'a pas tant cherché un... aller déterrer un mort, prendre un bras, y mettre le bras, faire de la couture, je sais pas quoi. Non, non, c'est un bras flambant neuf. Puis savez-vous quoi? Il sait comment s'en servir. Il manque une jambe, c'est une jambe neuve. Le même âge que l'autre. Pas une jambe de bébé, il faut qu'il grandisse. Une jambe comme l'autre, avec le même vieillissement que l'autre, puis qui sait déjà... comment marcher? Parce que non seulement il a réparé la jambe ou le bras, il a réparé le cerveau, de sorte que le cerveau est capable de composer avec quelque chose de nouveau, sans être obligé de l'apprendre, sans être obligé de faire de physiothérapie, etc. Ça, c'est le Dieu créateur. Quand Dieu a créé Adam dans le jardin, là, imaginez-vous, là, il n'existait pas, puis là, il existe. Puis il est debout, puis il sait tout quoi faire. Puis Dieu, il parle, puis il comprend. Comment c'est arrivé? C'est pas juste, petit bébé, il faut qu'il grandisse. Puis après... Non, non, de même. Ça, c'est le Dieu créateur. Il est capable de faire ça. Non seulement il peut redonner un membre, mais il peut restaurer un handicap. Parce que perdre la vue, ça a l'air banal, là. Mais si vous n'avez jamais vu de votre vie, puis que je vous mets des yeux, puis que ça fonctionne, votre cerveau, lui, il ne sait pas quoi faire avec. C'est tellement vrai que je vais faire l'image inverse. Vous avez un œil qui, pour une raison ou pour une autre, décroche, dans le sens qu'il n'est pas à sa place. Le cerveau essaie de ramener l'image en stéréoscopie. L'œil n'est pas à sa place. L'optométriste va dire, ça prend une opération, ou l'ophtalmologiste va dire, ça prend une opération, ou on va faire des exercices. Bon, je pense que Fred avait fait des exercices, je me suis impliqué, mais mon fils Jonathan, t'es obligé de faire des exercices parce que si on ramène pas l'œil, il va le perdre. Pas qu'il marche, l'œil marche pas, c'est que le cerveau met la switch à off. OK? Mais il faut te remettre à on. Le cerveau, là, il y a quelque chose qui doit se passer. Ben ici, quand Jésus guérit, là, c'est comme ça. La switch est à off, elle est à on, puis tout fonctionne. Puis en plus, le cerveau est capable de gérer l'information. La stéréoscopie, il faut que tu l'apprennes. Cette personne-là devient, elle voit, tout est réglé. C'est comme, vous suivez? C'est le Créateur qui fait ça. Personne d'autre peut faire ça. Et si je rajoute le bout de texte, là, ils n'ont rien à manger, ils mangèrent et furent rassasiés. OK? Avec quoi qu'il a fait le pain? Il a cherché du blé, on l'a moulu, on l'a fait cuire. Comment il a fait les galettes? Il était où le four? Parce qu'il faut quand même les mettre au four, là, la farine. Hein, nos pâtes, il faut les mettre dans l'eau, là, même si on les a faites, elles sont belles, mais il faut les mettre dans l'eau si on veut les manger. Est-ce que vous me suivez? Lui, c'est instantané. Hey, les poissons! Il a créé des poissons morts, prêts à manger. Le poisson, il n'est jamais né, il n'a jamais vécu. Il n'a pas connu la mort. On a du poisson prêt à manger qui n'existait pas. Ça, c'est le Créateur. OK? La foule était dans l'admiration. Elle glorifiait le Dieu d'Israël. On est chez les gentils. C'est pas leur Dieu. Si on prend le temps de dire le Dieu d'Israël, hein, c'est pas leur Dieu. Mais il glorifie Dieu. Si vous retournez dans Genèse, là, quand on parle d'Abraham et Isaac, quand il était confronté, je pense que c'est Abimelech, je pense, puis le fils d'Abimelech, en tout cas, eux, des rois étrangers avec des dieux étrangers, ils savaient que le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac est tout-puissant, puis c'est le Dieu, leur Dieu, qui les bénit, qui les protège, qui les fait multiplier. Ils savaient ça. C'est pas leur Dieu. Ici, c'est pareil, c'est pas leur Dieu. Mais ils reconnaissent que c'est Dieu. Comment ça se fait ça que les Juifs, eux, ne le reconnaissent pas? Comment ça se fait ça, nous, qu'on a de la misère, même quand on se dit enfant de Dieu, on a de la misère à croire que notre Dieu est créateur, capable de tout faire? Comment ça se fait ça? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce que vous êtes capable de le déclarer quand vous expliquez à quelqu'un votre foi ou vous patinez autour parce que vous ne savez pas trop comment le présenter? Dieu est Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est la parole de Dieu. Crois-le, crois-le pas, ça ne me dérange pas. C'est la parole de Dieu. Comment je le sais? Bien, parce que je l'ai lu, je la lis, je la mets en pratique comme je le comprends, puis je finis par vraiment apprendre quelque chose qui me prouve que Dieu est Dieu, puis ce qu'il dit est vrai. C'est la seule façon. Mais Dieu est Dieu. Deuxième point qui nous parle de Dieu, c'est que l'Évangile est aussi pour les gentils. Pourquoi on dit ça? Vous vous rappelez de la carte, là? Les Juifs, ils rejettent Jésus, et là, on va faire la démarche, et on arrive là où on est à la multiplication des pains. OK? Matthieu 14... Juste pour dire, j'ai mis en jaune près de la mer de Galilée parce que dans Marc 7, c'est là qu'il dit qu'il s'en allait, c'est là qu'il est. Juste pour dire que Matthieu 14, il parle la même affaire. C'est que l'Évangile, c'est aussi pour les païens, c'est pas juste pour les Juifs. L'Évangile, c'est pour tous les hommes. Mais nous, là, ici, là, on ne sait pas c'est qui le prochain. Bon, je vais retourner, je pense, à Romains 10, là, qu'on attend que le dernier païen rentre, le dernier gentil rentre dans le royaume de Dieu, puis on passe à autre chose. Bon, je ne sais pas c'est quoi votre eschatologie à vous, mais la mienne, c'est que quand ça arrive, moi, je suis parti. C'est ça que j'attends, moi. Alors, peu importe les circonstances, si j'ai une brèche, et je peux parler, une brèche, ça veut dire une ouverture, une opportunité, que je peux parler de Dieu, je vais la prendre. Parce qu'on ne sait pas à qui on parle. Même quand ça a l'air, tout le monde a l'air de ridiculiser, n'importe quoi. C'est pas grave, là, allez-y, dites ce que vous voulez dire. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va entendre ce que je dis, semer, ou peut-être qu'il avait déjà entendu, je vais arroser, Puis peut-être que c'est la goutte qui va faire qu'on va récolter. Je ne sais pas. Mais le jour où le dernier rentre, puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est dans Romains 10, si je ne me trompe pas. Le jour que le dernier rentre, là, on part. Vous n'avez pas hâte de partir, vous autres? Voilà. Bon. Et le troisième point qui est fondamental, c'est que la compassion de Jésus-Christ est pour tous les hommes, sans distinction. Si je reviens à les deux multiplications, la première, chez les Juifs, Jésus est ému de compassion parce que, on va même lire, j'ai oublié où, là, mais dans Jean, qu'on lit que Jésus va se prendre à l'écart, là, il va pleurer sur Jérusalem. C'est triste, triste à mourir. Il essaie, il fait tout, mais ils ne veulent rien savoir. Et du côté des gentils, il est aussi ému de compassion pour eux. Dieu veut répondre à nos besoins spirituels, puis il veut répondre à nos besoins physiques, peu importe qui on est. Et on va le pousser plus loin. Il nous aime tellement qu'on peut appliquer le passage qu'on apprend par cœur, mais que des fois on dirait qu'il n'y a pas de profondeur. C'est que Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. Ça veut dire que le Fils unique, là, il est venu, Fils unique, il est venu sur la terre, il a marché parmi nous, il a pris son temps, il a fait plein de choses, il a fait du bien, il a pris le temps d'enseigner aux douze, mais à tous les autres qui suivaient, ils apprennent aussi. Il a pris le temps de le faire. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas une question de raisonnement, là. C'est une question d'un fait historique dans notre univers à nous, et éternel dans la pensée de Dieu. Que Dieu veut nous avoir auprès de lui, il a fait, lui, ce qu'il devait faire, et nous, ben, on a un pas à faire. Okay? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, là, c'est n'importe qui sans distinction, quiconque, là, mon pire ennemi, là, il a besoin de l'entendre. Il va l'entendre comment? Je vais y citer des passages ou je vais y montrer l'amour de Christ? Christ a été humilié, il a été frappé, puis il nous dit, faites la même chose. Donc, quiconque, ils ont besoin d'entendre. Si quiconque est assis ici ce matin, bien, tu es en train de l'entendre. Et peut-être que toi, tu n'as pas l'expérience personnelle, mais je vais revenir là-dessus. Comment on fait pour avoir l'expérience personnelle? 1 Timothée au chapitre 2, il est écrit, « Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Jésus, Jean 3, 17, 18, là, on l'a juste au-dessus des yeux. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Si Jésus ne juge pas le monde, on est qui, nous, pour juger? Qui devrait entendre ce qu'on en dit? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et 1 Timothée 4, Jésus est le sauveur de tous les hommes, bien sûr, principalement des croyants, parce que les croyants, on est sauvés, mais il reste les autres. Et tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, le Seigneur, il veut qu'on parle de lui. C'est lui qui décide, c'est pas nous autres qui décident. Ça va? OK. Donc, sache que Dieu t'appelle maintenant, toi, ici, ce matin, à répondre au salut qu'il t'offre. Puis si je retourne au chant de tantôt, là, que Michel disait, là, vous avez besoin que le feu soit rallumé, hein? Bon, ben alors, c'est le temps. Romains 3. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est lui qui a fait le premier pas. C'est lui qui tend la main. Il nous reste juste à aller vers lui, puis agir. Avec le petit peu de foi que j'ai, là, OK, je vais aller voir. OK, je vais aller voir. Je vais revenir à ça tantôt. Éphésiens au chapitre 2 nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Tu peux rien faire. Il n'y a personne qui peut rien faire. C'est pas par ton intelligence, c'est pas parce que tu as tout compris que tu vas te sauver. Non, regarde ça, tu vas t'égarer. C'est Dieu qui l'a fait. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il a envoyé le salut, il s'appelle Jésus. Jésus est venu. Tu crois en Jésus, tu es sauvé. Tu ne crois pas en Jésus, si je retourne à Jean 3, 18, si tu ne crois pas en Jésus, tu es déjà condamné. Puis la condamnation, désolé, c'est l'enfer, c'est la vie éternelle sans Dieu. Mais si je suis sauvé, j'ai la vie éternelle maintenant, bien que de mes propres yeux, je ne le vois pas là, mais il est en moi, puis il marche avec moi, puis il me parle, puis je l'entends. Parce qu'il fait en sorte que je l'entende. Ouais. C'est 5-8. Ah, oh, c'est bon. J'en avais une place de même. Je me suis dit, je vais voir s'ils me suivent. 5-8, OK. Merci. Romains 5-8. OK, d'accord. Je vais le corriger. D'accord, merci. C'est ça. Alors, ça me fait penser à un exemple. Là, j'ai marqué comment. La solution, là, tu sais, on aime ça les lettres. Hein? C'est quoi, là, les lettres? Suivre Jésus, là. Tu sais, les cinq affaires, cinq lettres, les couleurs. Moi, c'est L-A-D-J. Les amis de Jerry. Non, parce qu'on a des soupers à la maison une fois par mois, puis Jerry amène des amis. Puis là, c'est impressionnant parce que c'est vraiment Dieu qui parle au travers de Jerry, qui va chercher les gens puis qui les amène. Parce que quand je demande « qu'est-ce qu'il vous a dit, Jerry? » Rien dit, Jerry. Il n'a rien dit. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont venus souper chez nous. Là, mais il ne vous a pas dit là, dans quel piège vous venez de tomber? Là, parce que c'est pas un piège. Là. Non, ils viennent... Ce qui est intéressant, c'est que dès que je pose la question « Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qu'il vous a dit Jerry pour vous convaincre de venir? » Puis là, la réponse, c'est « Bon, il ne nous a rien dit, on va souper, on fait des activités, je ne sais pas quoi, on va jaser, je ne sais pas quoi. » Bon, ah, c'est intéressant, bien là, moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Là, je leur dis « Qu'est-ce qu'on va faire? » Là, ben, la première fois, je pensais qu'il y en a une couple qui se lèverait pour s'en aller. Mais ben non, ils restent. Parce que même si Jerry, il ne sait peut-être pas comment ça marche, là, qu'est-ce que Dieu fait au travers de lui, mais ceux qui le voient, ils ne savent pas non plus là, que c'est Dieu qui les amène. Fait que c'est intéressant. Mais ils viennent. Puis là, un soir, il y a quelqu'un qui me demande une des questions. Parce que ce qu'on fait au souper, c'est on soupe, là, on mange, là, tu sais. Ils se parlent entre eux autres. Puis là, à un moment donné, on dit OK, là, c'est le temps d'être sérieux. Fait que on demande est-ce que vous avez des questions existentielles? Fait que les questions existentielles, c'est. Comment qu'on fait pour croire en quelqu'un qu'on peut pas voir, tu sais? Comment qu'on sait que la Bible, c'est la vérité? D'autres questions plus pratiques que parler de fréquentation, parler de d'autres choses, n'importe quoi, là. Fait que, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Fait que là, on revient à la question, comment on fait pour croire en quelqu'un qu'on peut pas voir? Là, c'est intéressant. La personne qui me pose la question, je vais prendre toi comme exemple. Toi, là, tu me dis, il connaît pas la Bible, OK? Fait que, toi, tu es venu pourquoi? Jerry t'a parlé de nous, que tu connais pas, tu n'as aucune idée, mais parce que Jerry te l'a dit, tu es venu, tu voulais entendre. Tu voulais savoir si tu reviendrais dans le futur. Fait que là, tu es assis en face de moi, puis tu me parles. Puis là, tu es en train de réfléchir à ce que je te dis, puis là, tu vas décider si tu veux revenir ou pas. Bien, c'est la même chose avec Dieu. On a la parole de Dieu. Approche-toi. Approche-toi, lis-la, ose lui poser une question avec ta bouche, pas dans ta tête. Dis pas de foi, là. Rouvre ta bouche. Parle à cette personne-là que tu connais pas, que tu vois pas. Ose, fais un petit pas de foi, parle-lui, lis, puis écoute la réponse. Parce que c'est ça que tu viens de faire avec moi. Puis là, la question, c'est est-ce que tu vas revenir? Ça relève pas de moi, ça relève de toi. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le pas de foi qu'il faut faire. Fait que si je dis, moi, aujourd'hui, je suis étranger, ces choses-là, je ne comprends pas. La seule façon que tu vas comprendre, c'est d'ouvrir ta Bible. Trouve-en une, on en a, je peux t'en donner si vous voulez. Là. Okay. Rouvre ta Bible. Mais avant de l'ouvrir, parle à Dieu. Dieu, si tu existes, parle-moi. OK? Parce que si tu existes, je veux vraiment entendre. Mais pour le moment, ben de la misère. OK? Là, rouvre, puis lis, puis réfléchis. Réfléchis. Des fois, tu as la réponse assez rapidement. Des fois, ça peut prendre du temps. Mais même si tu lis et qu'il ne se passe à rien, comme son ami, tu pars, est-ce qu'il va revenir? S'il revient, j'en pense à un en particulier, c'est pas lui qui a posé la question, mais la première fois, là, il n'avait jamais vu de Bible de sa vie. Puis on a lu Genèse 1, 2, 3, c'est intense, merci, hein? 1, 2, 3. Mais ça l'a frappé. Comment ça l'a frappé, je ne sais pas. Il est parti, ça a pris un bout de temps, il est revenu la dernière fois, puis il veut en savoir plus. Right? Voilà. Comment on fait? Il faut s'approcher de lui. Il faut lui parler. Il ne fallait pas de foi. C'est ça que Dieu veut. que tu fasses le pas de foi. Alors, si tu as des oreilles ce matin pour entendre, ben réponds à l'appel du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen.